Telegram group. To be honest, right now it's too complicated for me. There's too many trending parts, but the community is still there, I think. I really need to check it out once more. And Burn was kind of nice guy. Get it out. And Burn seems a nice guy. Let down. est maudit, tu sais. De ton pouvoir, dit non à sa manière, elle a dit non sans le dire, elle a dit non, c'était clair, elle n'a pas eu besoin de faire d'égards à propos de ce que j'inspirais, elle a dit non, c'était clair sans le dire. Des faux pas pour pas être trop, ni trop, elle a dit non. Dans ma vie d'autre, et si tu fais pas de ceux qui ont su voir. Déçu aujourd'hui, fais de toi un bon plutôt qu'un. Si être aussi parti, je fais. Thank you. discording that stuff for the first time and discovering it. And it's fun and it's easy. Download. Thank you. Thank you. So now I've joined the Evil Corp, the Evil Corporation, and you know. I tried to hack them for a while before I tried to hack them while I was a thug, while I was poor, and it's still the case, and I was dumb. It didn't work, it was full of Trojan. If you're aiming for free, did you check it? Did you check the BBC Orchestra? It's free, BBC Orchestra. It's fire audio, it's beat fire. Thank you.

more violence. When music hits you, I feel the pain. When it hits you, feel the pain. Bye, bye, bye. I hope I'll see you soon. All those Monday and Tuesdays are blessed to me. For real, I will miss you. Real, I'll miss. Maybe on Thursday I'll be with Yann. Yann Le Rouge will be with me. On Thursday. To you. Will you stay? Will you stay a bit? Dunk. Thanks. Thanks so much. You're one of the greatest. J'ai pas compris. J'ai pas compris ta demande. J'ai pas compris. pas. T'as tous les enregistrements que t'as envie, là, ce qu'on vient de jouer là, tu l'as enregistré sur ton PC là, avec toutes les pistes séparées et tout. Et sinon, si jamais tu les as pas, mais tu les as, tu peux les récupérer sur le site de ninbot.com. Tu vas sur le site de Ninbot. Pourquoi pour enregistrer, j'ai acheté un petit micro pour dépannage, je fais pas d'autres enregistreurs. Mais tout est déjà enregistré en fait. En son, à l'intérieur, quoi. Genre, t'as pas besoin d'un micro. Même si tu veux faire du stream, et là ton micro il marche, moi je t'ai entendu dire des choses et taper. Dis-le-moi avec des mots double basse, j'ai pas compris. Genre pour ta répète. Genre pour ta répète. Pratique, il y a des tout petits micros qui sont censés améliorer le son, mais comme on ne peut pas régler le niveau, eh ben, j'ai bien compris ça, des enregistrements sur le téléphone, mais de quoi? Ouais, c'est surtout de la merde, mais je comprends bien. Bonne chance. Alors il suffit d'enregistrer ce qui se passe en Ninjam, hein. En Ninjam, il y a le monde entier.

Thank you.